Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. 1871, 1848, 1830, 1792, 1648, 1588, 1382, aussi loin qu'on remonte dans l'histoire de France, c'est toujours à Paris que l'on voit naître les émeutes, les frondes, les révoltes et les révolutions. Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui le soulèvement parisien de 1358. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Alors que voulez-vous, les Parisiens ont, comme on dit, la tête près du bonnet. C'est ça. En 1358, ce qui se présente bien comme une révolution a été incarné par le prévôt des marchands de l'époque, autant dire un maire de Paris qui n'en avait pas le titre, Étienne Marcel, je vais vous raconter ça dans un instant. Et après quoi, vous ferez la lumière sur cet événement historique en compagnie de Julien Théry, professeur d'histoire médiévale à l'université Lumière Lyon 2. Oui, je n'ai pas commis l'imprudence d'inviter sur ce sujet éminemment parisien un professeur de Paris. Je pense que pour évoquer cet épisode dramatique de notre histoire, Julien Théry a tout le recul nécessaire et même un peu mieux que ça. Et un petit retour aux origines à la fin de l'émission. Ah mais si vous voulez, nous reviendrons sur les origines de l'expression « en deux coups de cuillère à peau ». Ça n'est évidemment pas la façon dont je vais traiter Étienne Marcel, là maintenant. C'est un personnage que vous avez probablement croisé sans le savoir et j'ai d'ailleurs vu cette photo circuler sur les réseaux sociaux tout à l'heure, là, il y a quelques minutes. Quand vous passez sur le quai de l'Hôtel de Ville de Paris, vous voyez face à la Seine une très imposante statue équestre en bronze qui représente un homme quasi royal de port et d'allure, au costume tout ce qu'il y a de plus médiéval. Eh bien cet homme, c'est Étienne Marcel, qui est devenu célèbre et qui a trouvé la mort en l'an de grâce 1358. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, cet homme-là? Il était, je vous le disais à l'instant, prévôt des marchands. Alors, prévôt des marchands, c'est un beau titre. Mais qu'est-ce que c'est? Ben, officiellement, c'est l'homme qui est chargé des arbitrages de conflits entre marchands parisiens, chargé de l'organisation du trafic fluvial à l'intérieur de la ville. C'est en quelque sorte, si vous voulez, sous une autre forme, mais un peu le maire de Paris. En tout cas, c'est l'homme fort de la capitale. C'est d'ailleurs bien comme un homme fort qu'Étienne Marcel aime à se présenter. Je vais vous dire comment il a tenté de défendre les intérêts de Paris au moment où la couronne de France était le plus menacée. Tout commence en septembre 1356. Alors si vous avez des souvenirs scolaires, vous vous rappelez que septembre 1356, c'est Poitiers, la bataille de Poitiers. Alors en fait, le champ de bataille lui-même se trouve un petit peu en dehors de Poitiers, à Noyers-Maupertuis exactement. Et c'est là que Jean le Bon, le roi Jean II de France, qui est un Valois, c'est là que Jean II va devoir affronter l'armée anglaise du prince noir, lui-même fils du roi d'Angleterre. Jean II est non seulement complètement dépassé par les événements sur le champ de bataille de Noyers, mais il est battu, il est fait prisonnier et emmené en captivité. Ça n'est pas arrivé si souvent qu'un roi de France ait été fait prisonnier sur un champ de bataille. On n'aura pas vie, vous me direz, avec François, mais c'est un événement considérable et c'est son fils, parce qu'il se battait avec l'un de ses fils, mais l'aîné, celui qui porte, d'ailleurs il est le premier à le faire dans l'histoire de France, il porte le titre de dauphin, il est dauphin du Viennois, ce dauphin, ce fils héritier qui n'a pas 20 ans, est lieutenant général du royaume et c'est lui qui va devoir s'occuper des affaires pendant l'absence, pendant la captivité de son père. Que peut bien faire un jeune prince dans sa situation? Il est quasiment sans soutien, il est sans argent, évidemment. Son réflexe naturel, et il n'a pas tellement le choix, c'est d'en appeler à la nation, c'est de convoquer les États généraux. Les États sont convoqués à Paris pour le 17 octobre 1356, autant vous dire qu'on n'a pas traîné, hein, un mois seulement après la grande défaite de Poitiers. Et c'est toujours dangereux de convoquer les États généraux. Vous savez que Louis XIV et Louis XV s'en sont bien gardés. Louis XVI les a convoqués en 1789, j'allais dire, on a vu le résultat. Eh bien, ce que va vivre le futur Charles V, le dauphin Charles, pour le moment, c'est pas très loin de ce qu'a vécu Louis XVI. Il y a deux leaders dans ces États généraux de 1356. Robert Lecoq, qui est évêque de Laon, qui est un homme intrigant, surtout un homme qui éprouve une véritable haine à l'encontre de Jean le Bon et de ses conseillers. Il se trouve que ce Robert Lecoq a des accointances très fortes avec Charles de Navarre, celui qu'on appelle Charles le Mauvais, qui se trouve être prétendant au trône de France, rien moins. Il est lui-même petit-fils de Philippe le Bel. Il a été emprisonné pour sédition. N'oubliez pas qu'on est dans un moment de changement dynastique, hein. Jean II n'est que le deuxième des Valois, hein. Il a été incarcéré donc à la forteresse d'Arleux en Flandre et il a bien l'intention d'être libéré. Donc vous comprenez que son soutien dans le conseil, ce Robert Lecoq, va jouer un rôle important. Et puis le deuxième homme fort des États généraux, c'est le fameux prévôt des marchands de Paris, c'est le fameux Étienne Marcel. Première décision des États généraux, on va subordonner l'octroi de nouveaux impôts à l'établissement d'une véritable charte qui constituera, disons-le, une atteinte au pouvoir monarchique dans toute sa liberté jusqu'alors. Ça vous rappelle rien, ça, une charte pour voter les impôts? On est en train de rééditer ce que les Anglais ont fait quelques décennies plus tôt. Il y a des délibérations très importantes hein, à ce sujet. Les députés aux États généraux ne veulent pas que les conseillers du dauphin interviennent dans les débats, vous imaginez un petit peu. D'ailleurs, ils vont faire une sorte de liste de ministres et de conseillers du dauphin dont ils considèrent qu'ils sont persona non grata. Et ils exigent, comme une forme de préalable à tout accord avec la monarchie, la libération du fameux Charles le Mauvais. Et alors, quelle est la contrepartie, si je puis dire, la possibilité de lever des fonds pour réunir 30 000 hommes et aller continuer le combat face aux Anglais. Le dauphin Charles, qui est jeune, qui est en apparence inexpérimenté, aurait pu, dans une situation comme celle-là, se laisser complètement déborder. On pourrait imaginer qu'il ne sache que répondre. Eh bien, en fait, Charles va faire ce qu'il faut faire dans ce genre de cas. Je donne un conseil au futur gouvernant. Ajourner la réponse. Déjà, on ne répond pas. On ne réagit pas à chaud. On enregistre très poliment ce que les gens ont à dire et puis ensuite on voit. Et les États vont continuer à délibérer alors qu'ils n'en ont plus la permission. Ça aussi, ça préfigure ce qu'on connaîtra en 1789 hein, quand même. Ils discutent dans le vide, si je puis dire, les députés aux États généraux. Et ils rédigent une sorte de programme de gouvernement en 20 articles. Mais on a envie de dire, mais où sommes-nous? On est bien dans la monarchie française au Moyen-Âge, là? Ça paraît incroyable, cette histoire. C'est même assez exaltant, à vrai dire. On est presque en train de voir naître une forme de pouvoir partagé. Le dauphin va décider de dévaluer la monnaie. Ça, c'est tout à fait le contraire de ce que voulaient les États généraux. Mais il n'a pas la bêtise d'annoncer ça alors qu'il est prisonnier dans Paris, si je puis dire. Le dauphin prend le large, il prend du champ. Le 5 décembre, il est à Metz, ce qui au passage va l'obliger à faire allégeance à l'empereur Charles IV, à l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Qu'importe, le dauphin veut être libre de son action. Il décide de dévaluer la monnaie. Et quand on est prévôt des marchands et qu'on a des tonnes d'or dans ses coffres, ça c'est une décision qui ne fait pas plaisir. Autant vous dire qu'Étienne Marcel est furieux. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors nous sommes au cœur de l'histoire d'Étienne Marcel, ce prévôt des marchands de Paris. Alors vous nous parliez en début d'émission d'une grande statue en bronze, une grande statue équestre d'Étienne Marcel qui se trouve sur le quai de l'Hôtel de Ville à Paris. Elle date de quand cette statue et on la doit à qui? Il suffit de la voir pour comprendre qu'elle date de la fin du 19e siècle. Mmh. Elle est de 1882 très précisément, cette gigantesque statue qui est l'œuvre de sculpteurs toulousains, Hydrac et Marc Est. Ils ont fait une statue qui ressemble exactement à ce qu'on voit sur les grandes places italiennes, vous savez, ces condottiere de la Renaissance quasiment. Et le but des sculpteurs, et c'était le programme d'ailleurs, c'était leur cahier des charges si j'ose dire, c'est de complaire au corps municipal de Paris qui veut absolument, on est à 1882, hein, c'est l'ancrage de la République, hein, c'est les républicains qui ont vraiment pris le pouvoir cette fois, et ils ont bien l'intention de faire figurer Étienne Marcel au premier rang de ceux qui auraient émancipé le peuple d'une certaine manière et conduit, si l'on veut, jusqu'à la République. C'est en tout cas comme ça qu'on le considérait au 19e siècle. Alors, Étienne Marcel, disons-le, avant de défendre le peuple, défend les corporations. Et ces corporations, il leur interdit d'accepter la dévaluation du dauphin. Vous savez, cette monnaie nouvelle, là, on a rogné sur les pièces d'or et d'argent, il n'en est pas question pour lui. Il faut bien comprendre que c'est vrai que ça amenuise les économies de ceux qui sont des nantis, si je puis dire, ça fragilise le commerce, ça rend plus difficile, incontestablement, les opérations, les transactions, et aussi les opérations de récupération de fonds pour le pouvoir public. Le dauphin rentre à Paris le 14 janvier 1357. Il a fière allure, il est stupéfiant aux côtés du duc de Normandie. Il ne fait pas pitié, disons-le. Il entre l'épée à la main par la porte Saint-Antoine et il veut marquer sa prééminence d'une certaine manière. Inutile de vous dire que ça n'impressionne pas beaucoup Étienne Marcel. Étienne Marcel est un grand marchand drapier. Vous savez, il est l'héritier d'une longue lignée de marchands. Il a des liens avec la banque, non seulement la banque parisienne, mais bien des banques de toute l'Europe. C'est au cœur même de ce réseau de grands marchands, de grands financiers qui vont faire la puissance de l'Occident en ce 14 et surtout bientôt dans le 15e siècle. Donc c'est un homme puissant, sûr de lui, que n'impressionne pas le fils du roi en captivité. On exige, quand je dis on, c'est Étienne et Marcel et son entourage, on exige que le dauphin se sépare d'un certain nombre de ses conseillers, qu'il révise la question monétaire, que tout ça soit écrit, soit signé de sa main et surtout, on exige qu'il convoque une deuxième session des États généraux pour le mois de février 1357. Autrement dit, on va être quasiment en session permanente. Pendant tout ce mois de février 57, les séances sont denses, sont agitées. L'Assemblée va rédiger quelques 61 requêtes. Ce sont des requêtes qui reprennent, en les radicalisant d'ailleurs, les grandes revendications des États généraux de 1355. Donc, ce qui est en train de naître, c'est une forme d'esquisse de constitution. Vous imaginez ce dont on est en train de parler là. C'est quand même assez extraordinaire. Et en contrepartie, le dauphin, certes, se voit accorder donc sa fameuse armée de 30 000 hommes soldés par la nation. On ne peut pas dire que l'échange soit très équilibré. Seulement, le prince Charles n'a pas le choix. Il est bien tenu d'aller au bout de... Il doit boire la coupe jusqu'à la lie, si je puis dire. Il va promulguer le texte sous le nom de Grande Ordonnance. La promulgation est du 3 mars 57. Grande ordonnance. Vous voyez qu'on n'est pas très loin de la grande charte anglaise, là encore une fois. Cette grande ordonnance va faire un bruit considérable dans toute l'Europe. Et naturellement, elle revient aux oreilles de Jean II, qui lui se trouve en captivité de l'autre côté de la Manche. Et le sang du roi régnant, même s'il est captif, ne fait qu'un tour. Dans une lettre très ferme, un vrai modèle d'ailleurs de rhétorique, le roi Jean le Bon rejette entièrement la grande ordonnance, ça il n'y va pas par quatre chemins, il interdit toute réunion des États, voilà, comme ça c'est réglé, et il s'oppose à la levée de tous les impôts qui ont été octroyés. Ça c'est très intelligent, parce que en s'opposant à la levée des impôts, le roi sait très bien d'abord qu'il sème la pagaille en France et qu'il va se rendre d'autant plus populaire. Vous imaginez notre bon roi qui est déjà captif du méchant Anglouet et qui en plus veut qu'on ne paye plus d'impôts. Il devient l'homme le plus populaire, ce roi captif. Naturellement, Étienne Marcel et Robert Lecoq, ne l'oublions jamais, ne vont pas s'arrêter pour autant si bon chemin. Sitôt publiée la lettre royale, ils entrent en désobéissance. Il convoque les États généraux pour le 30 avril. Ah ben écoutez, de simples particuliers, en l'occurrence un marchand drapier qui se permet de convoquer les États généraux alors que le roi vient de les interdire, moi j'appelle ça une révolution. Parce qu'on dit non, mais Étienne Marcel, c'est pas une révolution. Comment vous voulez-vous appeler ça? C'est évidemment une révolution. Quand même, la question qui se pose maintenant, c'est de savoir si la population va suivre Étienne Marcel. Si les gens se mettent avec lui, se liguent avec lui, si je puis dire, eh bien tout simplement, ça sera fini de la monarchie capétienne. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Étienne Marcel aujourd'hui et nous allons reprendre le fil de cette histoire qui raconte cette révolution menée par Étienne Marcel. Alors, on se rend compte que les trois ordres des États généraux ne sont pas tous d'accord avec les meneurs de cette révolte. Non, vous avez la noblesse qui est travaillée d'ailleurs par l'évêque de Laon qui fait un peu la sourde oreille aux appels des meneurs. Le clergé, lui, bénit la lettre du roi Jean, qui l'exonère d'impôts, tout va bien. Quant au tiers état, il est partagé, si vous voulez, entre une courte majorité d'insurgés et une forte minorité de sujets qui restent loyaux à la couronne. Et ça crée un trouble, tout ça. Un trouble sur lequel va s'appuyer le dauphin. Il va en jouer de ce trouble. Il est d'une maturité politique incroyable, ce jeune homme, entre parenthèses. Il saute sur l'occasion. Il fait arrêter un certain nombre de députés des États. Il annule les décisions qui viennent d'être prises, là, de toutes les nouvelles décisions réputé illégal, et il annonce qu'il entend désormais gouverner seul, après quoi il quitte aussitôt Paris. Il pense que ça va se calmer. En vérité, quand il rentre à Paris, il se rend compte que l'agitation n'a fait qu'augmenter. Il croit nécessaire à ce moment-là de céder un petit peu de terrain. Il va de nouveau devoir convoquer les États pour le mois de novembre. Ce qu'il faut quand même savoir, si on veut comprendre pourquoi Charles, d'un seul coup, est troublé, c'est qu'au même moment, Charles le Mauvais, vous savez, le grand rival, qui bénéficie, vous l'aurez compris, de complicité incroyable, s'est évadé de son château d'Arleux. Et ça, évidemment, c'est un coup de théâtre. Le prince fait une entrée tapageuse dans la capitale, qui lui réserve un accueil triomphal. Or, il a des troupes avec lui, des troupes qui, d'ailleurs, vont s'allier de plus en plus avec des mercenaires anglais qui, en même temps, sont en train de ravager la Normandie. C'est à ce moment-là que le dauphin fait preuve d'une audace sans précédent sur le trône de France. Là, on peut dire que nécessité fait loi. Et ça, c'est d'une modernité que je trouve incroyable. Le dauphin va décider sans façon de venir se mêler au débat public. Il vient aux Halles, en plein Paris, et il va haranguer la foule. Vous imaginez celui qui est le lieutenant du roi de France, qui sera très bientôt roi de France d'ailleurs. Et le lendemain, Étienne Marcel monte à la même tribune et harangue la même foule. C'est-à-dire que c'est presque un débat contradictoire qui est en train de naître. Ce qu'on est en train de voir dans ce climat d'insurrection, ce qu'on est en train de voir naître en plein XIVe siècle dans la France médiévale, c'est des amorces, attention, mais enfin des amorces de démocratie, qu'on le veuille ou non, en tout cas un débat contradictoire. Nouveau coup de théâtre, à la suite d'une affaire de droit commun dans laquelle je ne vais pas entrer. Il y a eu un commis chez un changeur qui a été pendu par la justice royale, etc. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Nouveau soulèvement. Et alors là, ça commence à aller très mal. C'est-à-dire qu'il y a cette scène effroyable où l'on va voir le dauphin humilié littéralement par Étienne Marcel lui-même. C'est la fameuse scène où l'on voit Étienne Marcel qui va être obligé, pour sauver le dauphin dans une véritable insurrection du palais de la Cité, il va être obligé de lui mettre lui-même sur la tête son chapeau, son chaperon, qui est un chaperon rouge et bleu aux couleurs de Paris. Ça encore, pardon, mais ça fait penser à l'affaire du bonnet phrygien et à ce qui s'est passé avec le roi Louis XVI, bien entendu. Le dauphin est désormais très surveillé, mais quand même, il va réussir à... Il a été très humilié, là, vraiment, on l'a pris vraiment pour un pantin. Mais il réussit quand même à s'éclipser de la capitale le 27 mars. Il gagne 100 lis, 200 lis, il gagne la Champagne. Et ça, son point de vue à lui est simple, sa stratégie, c'est s'appuyer sur la province contre cette ville révolutionnaire qu'est Paris. On en connaîtra d'autres de ses successeurs qui essaieront d'en faire autant. Étienne Marcel décide de son côté d'institutionnaliser l'insurrection. Donc là, on va très loin, dans la révolution, pardon. Mais on organise, pour combattre la royauté, on organise la Commune de Paris. Vous voyez un peu si c'est important, cette affaire. C'est même étonnant de voir à quel point on a oublié aujourd'hui cet événement, cet épisode tellement essentiel pour comprendre l'histoire de France. Là où Étienne Marcel franchit toutes les bornes, c'est qu'il va jusqu'à s'allier avec un certain nombre d'éléments incontrôlés du nord de la France, les fameux Jacques. Alors qu'est-ce que c'est que la Jacquerie ? On en parlera tout à l'heure avec Julien Théry, mais c'est un soulèvement de paysans, si vous voulez, qui se révoltent eux plus localement contre leur seigneur. Ils ont un chef qui s'appelle Guillaume Carl. Eh bien, une alliance objective va s'établir entre ce Guillaume Carl et le prévôt des marchands de Paris. C'est pas tout à fait le même monde ni la même fortune, mais enfin, c'est une alliance objective contre ce pouvoir royal. Le problème, c'est que face aux armées régulières, les Jacques ne pèsent pas lourd. Et le vrai problème, c'est que Charles le Mauvais ne va pas suivre Étienne Marcel. Il va croire habile, pour se rendre populaire, de se retourner contre les fameux Jacques. Et quand il rentre en vainqueur, certes, à Paris, c'est désormais en tenant de l'ordre. Vous avouerez que c'est quand même un peu étrange ce qui est en train de se passer. Étienne Marcel, à ce moment-là, peut croire qu'il va encore retourner la situation en sa faveur. La vérité, c'est qu'il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. Bonjour Julien Théry. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi pour évoquer ce moment chaud, si je puis dire, de l'histoire de France. Que va faire Étienne Marcel face à cette situation qui est en train de lui échapper, là, littéralement ? Mais il va essayer de rassembler ses troupes, d'unifier ses troupes. Il va les réunir place de Grève et ça va se retourner contre lui. Ça va se retourner contre lui parce que les Parisiens vont prendre peur. Ils savent très bien que beaucoup d'entre eux, les élites en tout cas, risquent leur tête. On est dans un contexte de guerre qu'on peut pas encore dire national, mais enfin qui engage quand même la royauté française contre la royauté anglaise, qui engage aussi la notion de lèse-majesté au sens où des grands princes révoltés comme Charles le Mauvais et ceux qui le suivent peuvent être, en cas de rébellion, poursuivis pour lèse-majesté et risquent leur peau. Et là, il y a même une accusation de trahison, disons-le, parce que Étienne Marcel a décidé finalement de s'allier aux Anglais, disons les choses comme elles sont. Alors ça ne peut pas passer auprès de la population, en tout cas d'une majorité de la population. Disons que la majorité des Parisiens considère que le risque est trop grand. La répression serait trop terrible en cas d'échec et se retourne. Parce que la répression de la trahison, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. C'est la violence absolue. Oui, c'est la lèse-majesté, hein, la trahison qui est constitutive de lèse-majesté. C'est une atteinte à l'autorité du souverain dans ses fondements même. Hein. Et justement, ce qui est en jeu plus généralement dans toute cette affaire, c'est la question de savoir si la monarchie française va continuer à être absolutiste, hein, c'est-à-dire finalement structurée par le pouvoir absolu du roi, hein, sa capacité à juger tout le monde et à n'être jugé par personne, sa faculté à gouverner sans rendre compte en dernier recours à qui que ce soit, ou bien si elle va prendre la bifurcation anglaise à laquelle vous avez fait allusion plusieurs fois avec la Grande Charte, c'est-à-dire celle d'une monarchie constitutionnelle. Une monarchie qui est non seulement tempérée, mais qui se trouve être tempérée par des contre-pouvoirs, en quelque sorte. C'est ça, en définitive, si on prend un peu de recul, les États généraux et Étienne Marcel, indépendamment des circonstances, tentent d'imposer un droit de regard, une mise sous tutelle, des règles imposées à la monarchie auxquelles elle doit se conformer, règles minimales par lesquelles elle est contrôlée dans l'usage des impôts. À partir du 27 juillet, les choses vont vraiment très mal pour Étienne Marcel. Hein. Il s'est montré aux côtés des Anglais d'une certaine façon, et c'est le 31 juillet qu'il va disparaître, qu'il est tué dans son réduit de la Bastille. Il est massacré littéralement. Est-ce qu'on peut dire qu'il est lynché d'une certaine façon? Oui, avec son proche entourage. Oui. C'est finalement le deuxième cercle autour de lui qui décide de s'en débarrasser pour se réconcilier dans les meilleures conditions possibles avec celui qui paraît devoir être en définitive le vainqueur, celui qui a la légitimité de son côté, c'est-à-dire le dauphin Charles. Le dauphin Charles qui le 2 août 1358, donc en tant que régent du royaume en titre maintenant, va rentrer de nouveau à Paris. C'est la quatrième fois si je ne m'abuse. Il harangue le peuple de nouveau, c'est-à-dire qu'il pète sa personne, le dauphin Charles. On n'a jamais vu ça pour le moment. Et il déclare une amnistie générale. Décidément, voilà un homme habile. Les Valois se sont montrés habiles dans les débuts de la dynastie quand même. Hein. Ils ont su, j'allais dire, brosser le peuple dans le sens du poil. C'est ça. Ils ont réussi à surmonter cet événement qui aurait pu être absolument catastrophique, qui l'a été dans une certaine mesure, mais pas pour la dynastie elle-même, qu'a été la capture de Jean le Bon et l'énorme rançon exigée par les Anglais. Alors, cette question de la nature même de la monarchie française et aussi cette question du pouvoir quel est le pouvoir qu'on peut reconnaître aux membres de la nation, trois États réunis? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Étienne Marcel cet après-midi sur Europe 1. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en plein milieu du 14e siècle et nous découvrons cette révolution manquée d'Étienne Marcel. Nous allons aller plus loin avec votre invité, Franck Ferrand. Vous recevez Julien Théry, il est historien, professeur d'histoire médiévale à l'université Lumière Lyon 2. Et Julien Théry est en train de préparer un ouvrage sur les vêpres siciliennes dont nous avions parlé ensemble il y a quelque temps ici. Vous viendrez nous reparler de cet événement extraordinaire. Alors, là, nous sommes donc bel et bien en France, à Paris, mais le contexte est essentiel et peut-être que, pressé que j'étais de raconter les événements tout à l'heure, je n'ai pas suffisamment insisté sur le contexte. Trois grandes questions essentielles. D'abord, la guerre. On est en pleine guerre de 100 ans, hein, bien sûr. Oui. On est en pleine guerre de 100 ans depuis 1337, c'est la date canonique que l'on retient. En réalité, il y a une conflictualité croissante entre l'État royal français, l'État royal anglais, parce que c'est les États naissants hein, qui sont en cause depuis les années 1290, depuis le temps de Philippe le Bel. Mais là, c'est une querelle de succession. Vous y avez fait allusion en parlant de ce trublion qu'est Charles le Mauvais. Lorsqu'Édouard III considère que ça n'est pas à un Valois de succéder aux Capétiens, que c'est lui ça. Est Capétien et que donc il doit devenir roi de France. Tout à fait. Édouard a des liens qui sont au moins aussi proches du point de vue de la généalogie avec les rois capétiens, avec Saint-Louis, que Philippe VI de Valois, qui en 1328... Il n'est qu'un cousin. C'est ça, a pris le trône de France et donc que son fils, Jean de Le Bon, ou petit-fils, le dauphin Charles. Mmh. Et la guerre donc s'est développée, disons autour de ce prétexte généalogique, hein, autour de ces prétentions de la maison anglaise à aussi absorber la royauté française. En réalité, derrière, il y a la montée des appareils d'État, hein, la montée des bureaucraties, le développement de la fiscalité royale, hein, sur l'ensemble des territoires, qui se justifie par la guerre, par l'état de nécessité absolue pour défendre le royaume. Alors on va revenir à la fiscalité et aux questions financières dans un instant, parce que c'est le deuxième grand élément de contexte, mais un mot dynastique encore sur l'attitude du roi Jean II le Bon, qui donc est en captivité en Angleterre. Entre parenthèses, on va le libérer, il ira se recoller tout seul en captivité pour des raisons de d'honneur féodal. Hein, c'est assez c'est extraordinaire. Le parangon des valeurs chevaleresques qui, dès l'époque, sont un peu désuètes, que d'autres souverains, même avant lui, comme Philippe le Bel, avaient su abandonner au profit de la raison d'État. Mais Jean II, déjà sur le champ de bataille, hein, se laisse capturer. Ah oui, à Poitiers, comme il faut, gentiment. Au lieu de s'enfuir, oui, comme l'avait fait son père Philippe VI lors de la déculottée précédente de 1346 à Crécy. Qui est l'une des premières grandes défaites de la guerre de Cent Ans. Au lieu de faire comme son père, c'est-à-dire quand il voit que les choses tournent vraiment au vinaigre et que les Anglais sont en train de vaincre, au lieu de s'enfuir, Jean de Le Bon, qui est un parangon de chevalerie, se bat comme un lion avec son fils, comme vous le disiez père tout à l'heure. Père, gardez-vous à droite, père, gardez-vous à gauche. Voilà le fameux mot historique, la dernière résistance. Il est seul avec son fils à ses côtés qui lui dit oui, il faut donner les coups. Mm-hmm. Ils sont absolument cernés. Il finit par être prisonnier et par se rendre à Londres. Donc, enfin, en tout cas, par être emmené à Londres. C'est une prison de luxe, si vous voulez. Mais il engage son honneur avec le traité de Londres de janvier 1358, qu'il accepte sous la pression aussi des événements parisiens, hein, qui mettent en danger la royauté, et c'est un traité dont les conditions sont désastreuses pour les Français. Mais on peut imaginer que si le roi Jean se montre tellement conciliant sur un plan fiscal contre les décisions qui viennent pourtant d'être votées par les États généraux, et si son fils, lieutenant du royaume, c'est-à-dire le dauphin Charles, futur Charles V, se montre lui-même tellement présent physiquement, allant jusqu'à haranguer les Parisiens sous la halle, c'est parce que on est au tout début d'une dynastie qui doit s'imposer. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas la légitimité des siècles derrière eux. Hein, donc il faut qu'ils le conquièrent d'une certaine manière, ce pouvoir. Exactement, ça ne va pas de soi. Il y a des concurrents possibles qui peuvent justifier aussi leurs prétentions, non seulement le roi d'Angleterre, mais aussi Charles le Mauvais, dont vous parliez. Alors Charles le Mauvais, ça c'est un autre élément de contexte, qu'il y a des princes dans cette affaire qui jouent contre la couronne de France. Alors lui, on l'histoire l'a surnommé Charles le Mauvais, ce Charles de Navarre. C'est un concurrent sérieux pour les Valois. C'est un concurrent sérieux, d'autant plus qu'il peut fédérer tous les mécontentements aristocratiques derrière lui. Et il est finalement la première grande figure de ces princes féodaux de la fin du Moyen-Âge qui vont régulièrement se rebeller contre la montée de l'État royal. C'est le même genre de prince qui va déclencher la fameuse guerre civile de la seconde moitié de la guerre de Cent Ans au début du XVe siècle, qui aboutira à la défaite d'Azincourt, la terrible guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons. Eh bien, le parti de Navarre, hein, c'est déjà l'un de ces partis princiers qui finalement joue des divisions pour essayer de faire avancer les intérêts aristocratiques. Et puis on est dans une crise, parce qu'il y a la guerre de Cent Ans qui n'arrange pas les choses, mais il y a eu des épidémies terribles, il y a la peste, bien entendu, on est dans un siècle sombre, disons les choses, une crise monétaire, une crise métallique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'or, pas assez d'argent à l'échelle de toute l'Europe, et donc tout ça, évidemment, exacerbe les tensions, disons les choses. Il y a une dynamique vicieuse, un cercle vicieux de ce qu'on appelle à l'époque les trois cavaliers de l'Apocalypse, hein, qui s'abattent un petit peu sur l'Occident et dont on a un reflet avec l'art qui tourne au macabre, hein, comme vous le savez. Les fameuses danses motifs, macabres. Voilà, oui. La mort devient absolument omniprésente, les hécatombes succèdent aux hécatombes. Quel est le facteur premier? On ne sait pas vraiment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les guerres déclenchent des famines à retardement, puisque les récoltes sont détruites, les paysans ne peuvent pas travailler. Ces famines affaiblissent les populations et ça favorise les épidémies. Exactement. Et l'un des résultats, c'est l'un des pires cataclysmes que l'humanité ait connu, en tout cas en Occident, la grande peste de 1348, qui quand même, en deux ans, un peu partout en Europe, tue entre 30 et 50% de la population. C'est-à-dire que 10 ans avant les États généraux, et même moins, puisque ça se termine en 1352, cette grande peste, il faut se représenter quasiment la moitié de la population... disparue. Voilà. Et en quelques jours, en fait, à chaque fois que la peste passait quelque part, puisque en fait, elle se déplace. Donc les gens, tous les acteurs dont nous parlons là depuis le début de cette émission, ce sont des gens qui, des survivants, dans leurs souvenirs, dans leur chair, ont encore présente cette lutte contre la peste. Ce sont les survivants de la peste. Donc ça joue un rôle aussi, bien entendu. Bien sûr. Tout ça va favoriser la révolution. Et puis, il y a les révoltes des campagnes, et notamment celle des Jacques. Ça, on y vient dans un instant. Européen au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Étienne Marcel et au cœur de cette révolution de 1358. Nous allons plus loin avec votre invité, Julien Théry. Il est historien, professeur d'histoire médiévale à l'université Lumière Lyon 2. Et si vous voulez continuer, vous aussi, après 15h, eh bien, je vous conseille de vous précipiter dans votre kiosque, puisqu'il y a le numéro d'Historia, oui, actuellement en vente, dans lequel vous racontez cette révolution d'Étienne Marcel. Donc dépêchez-vous de vous procurer ce numéro d'Historia. Étienne Marcel est à l'honneur. D'ailleurs, à la fin de l'émission, si vous voulez, on reviendra un peu sur sa personnalité, sur qui il était et pourquoi il a agi comme il l'a fait. Mais restons un peu sur le contexte pour le moment, et nous parlions des Jacques et des Jacqueries. Qu'est-ce que c'est que ces mouvements-là, Julien Théry? C'est certainement la plus grande révolte paysanne du Moyen-Âge en France. Hein, en Angleterre, un peu après, il y a celle de 1381 qui ressemble beaucoup, la révolte des paysans de 1381. C'est une révolte qui se développe comme une traînée de poudre au printemps 1358, exactement, donc pendant les moments cruciaux à Paris dont vous parliez pour l'ensemble de l'histoire de la monarchie. Dans les campagnes, donc, soulèvement spontané des paysans du nord du bassin parisien, très probablement déclenché par une énième ponction fiscale. Et voilà, toujours, hein, ces impôts qui sont tellement impopulaires. Il faut se représenter que ces défaites successives, ces campagnes, puis ces défaites successives de la noblesse française autour du roi, à chaque fois, impliquent une pression des paysans qui sont aux limites de la survie économique, qui sont aux limites et souvent en situation de malnutrition. Pression sur les fruits de leur travail, prélèvement des fruits de leur travail pour aller faire ces guerres qui se terminent en plus par des défaites. Oui. Et la capture du roi et le traité de Londres qui s'ensuit prévoit que 4 millions d'écus d'or devront être payés, et ils le seront par qui ? Par les populations, par ceux qui travaillent, par les paysans essentiellement. Ces rançons ont toujours été des catastrophes dans l'histoire, il y en a eu Exactement. Et leur issue, ça a souvent été des convulsions politiques, voire des changements de régime. Ces Jacques donc se soulèvent à partir de mai, forment une armée spontanément, et attaquent tous les nobles qu'ils rencontrent, mettent l'assaut au château qui se trouve sur leur chemin, se montrent d'une cruauté qui est probablement exagérée par les chroniqueurs qui sont scandalisés de voir des gens dont le destin est de travailler, selon l'ordre religieux de la société. L'ordre immuable du Moyen-Âge. C'est ça, se rébeller contre leurs supérieurs, jusqu'à la répression sauvage qui s'abat sur eux, dirigée par Charles le Mauvais à la tête de la noblesse en mois de juin suivant. Hein, ça dure que deux mois. Ça prouve bien que la noblesse, si elle avait, dirigée par Lecoq et pas donc par cet évêque de Laon, si elle avait l'intention de tailler des croupières au pouvoir royal, n'avait pas pour autant l'intention de laisser s'installer le désordre. Là, il y a une espèce de malentendu complet. C'est-à-dire que, imaginons que les Jacques se soient alliés aux insurgés parisiens, que l'ensemble de la population ait fini par se soulever. On aurait pu imaginer que le pouvoir royal chute, comme on l'a vu dans pas mal de principautés d'Italie, par exemple. Hein, ça aurait pu. Mais face à ce type de situation, c'était aussi les privilèges nobiliaires qui étaient en danger. Et voilà. Et donc, il y a une reconstitution, finalement, de l'alliance entre la noblesse et la royauté. Donc, on peut dire que Charles le Mauvais aura non seulement trahi son roi, mais qu'il a aussi trahi ses alliés du moment, et qu'il a fini par se retourner contre ceux qui auraient pu être leur principal soutien. Sa seule vraie ligne de conduite, c'était la défense de ses intérêts. Ça, c'est assez terrible. Hein. Les Parisiens réagissent comment face à ça? Ils sont plutôt soulagés de voir les Jacques écrasés, non? Alors, bien sûr. Il y a un temps d'ambiguïté. On ne sait pas jusqu'à quel point il y a eu alliance, projection d'alliance, proposition d'alliance entre les Jacques et Étienne Marcel. Il faut voir que ça représente des milieux sociaux qui sont vraiment très éloignés les uns des autres. Étienne Marcel représente une classe sociale parisienne bourgeoise très opulente. Et financière. Voilà, tout à fait. Déjà presque internationale, si l'on peut bien dire. Bien sûr, vous parliez des accointances d'Étienne Marcel avec les réseaux bancaires. C'est tout à fait important, effectivement, dans sa prospérité, dans la prospérité de la bourgeoisie parisienne. À côté, les Jacques sont vraiment des miséreux, pour beaucoup d'entre eux. Et donc, il n'est pas du tout évident, dans les mentalités de l'époque, si vous voulez, qu'il y ait conjonction d'intérêts entre ces deux parties, en quelque sorte. Il n'empêche, ce qui nous paraît fascinant, alors pour les uns exaltant, pour les autres horripilant, peu importe, mais ce qui nous paraît étonnant dans cet événement de 1357-1358, c'est la hardiesse, l'audace dont ont fait preuve les bourgeois parisiens. Ils sont allés très loin contre le pouvoir royal. Et même lorsque le roi leur interdit de réunir les états généraux, ils ne trouvent rien de mieux que de les réunir quand même. C'est inouï, ça. Ils se sentent en situation de force du fait de la captivité du roi, parce qu'ils ont en face d'eux aussi un jeune homme inexpérimenté. Oui. Et puis parce que, d'une certaine manière, s'ils restent unis, ils détiennent les cordons de la bourse. Hein. C'est-à-dire que c'est eux qui consentent ou non à l'impôt, et ils entendent bien faire ce que les Anglais ont fait depuis bien plus longtemps. Et au lever d'armes, bien sûr. C'est ça. C'est eux qui consentent à l'impôt, donc à la possibilité de recruter des armées et de continuer la guerre. Et ils entendent utiliser ce pouvoir de consentement, comme l'ont fait les Anglais depuis plus d'un siècle, en conditionnant l'exercice du pouvoir royal à un certain nombre de priorités qu'ils veulent définir eux. S'ils avaient réussi, la monarchie française aurait pris un autre chemin, comme l'avait fait la monarchie anglaise d'ailleurs, et ça aurait été une toute autre histoire de France, en quelque sorte. Il se trouve que c'est l'absolutisme, si j'ose employer cet anachronisme, qui l'a emporté, en fait. Hein. C'est ça. C'est même pas nécessairement un anachronisme pour cette époque, parce que, justement, la défaite des états généraux va renforcer encore la royauté Charles V d'abord, dans cette logique qui est héritée de Louis IX, mais surtout de Philippe le Bel, de majesté royale absolutiste, hein, on peut le dire, c'est-à-dire qui ne reconnaît aucune limite, hein, sinon celle qu'elle se fixe à elle-même de manière pragmatique, mais enfin aucune limite constitutionnelle ou légale. Et les conseillers de Charles V, donc celui qu'on a vu nous comme Dauphin Charles, qui va devenir le roi Charles V, Charles le Sage, ces conseillers, les fameux Marmousets, vont établir une alliance objective entre monarchie et bourgeoisie, mais cette fois non plus la bourgeoisie financière internationale, j'ai envie de dire la bourgeoisie locale totalement dévoué au pouvoir royal. Et là, contre la noblesse, en quelque sorte. Hein. C'est ça. La royauté va habilement jouer, justement, de ces classes non nobles, hein, de ces coupes non nobles montants, dont l'intérêt sera en définitive de servir la royauté, que la royauté va utiliser contre sa noblesse turbulente. Hein. Ça va être un jeu très habile de la part des rois de France. Je vous propose de faire un tout petit peu de petite histoire pour finir l'émission. On va voir qui était concrètement ce fameux Étienne Marcel, dont le nom a été si hardiment porté jusqu'à nos jours. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et on en sait beaucoup plus maintenant sur cette fameuse révolution de 1358 grâce à votre invité Franck, Julien Théry, qui est historien, professeur d'histoire médiévale à l'université Lumière Lyon 2. Il est peut-être temps de s'intéresser maintenant au cas d'Étienne Marcel. Qui était-il? Oui, voilà, c'est Étienne Marcel qui est un peu l'incarnation du mouvement, même s'il n'en est pas le seul soutien, loin de là. Étienne Marcel ne peut tenir finalement contre l'opposition des autres bourgeoisies, des bourgeoisies provinciales serrées autour du dauphin, l'épaulant, le soutenant, le poussant jusque dans Paris où il rentre en vainqueur, écrit l'incontournable Michelet. Étienne Marcel est tué, tout rentre dans l'ordre, tout se tait et s'assoupit, un grand voile de silence s'établit. On voit la passion de la bourgeoisie du 19e siècle pour cet homme dont elle a fait son emblème, Julien Théry. Bien sûr, et tout son rapport au Moyen-Âge, d'ailleurs, qui pour elle n'est que l'histoire des échecs du peuple, et plus exactement de la bourgeoisie, à s'émanciper de l'autorité de la noblesse et de la royauté. Et c'est pour ça que les historiens du 19e siècle, Michelet en particulier, vivent de manière très intense finalement cette histoire en la reconstituant. Pour eux, le Moyen-Âge finalement est un peu une nuit de la raison politique. Le peuple prend conscience plus ou moins de ses droits, essaie de les faire valoir, mais finalement se fait réprimer sauvagement et tout s'endort jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Mais l'Étienne Marcel qu'il nous présente, notamment la fameuse statue là de l'hôtel de ville de Paris, est un Étienne Marcel très arrangé, si je puis dire. On a l'impression là d'un héros splendide, il est à la fois chevalier, juriste, il est tout à la fois cet homme. C'est un mythe dans une très large mesure. En réalité, il y a plein de collusions, plein d'intrications entre la bourgeoisie et la noblesse, hein, dans une large mesure. Est-ce qu'on sait quel était son tempérament? C'était un homme, je sais pas moi, colérique, contraire doux. C'est toujours difficile à reconstituer à aussi longue distance, d'autant plus qu'on n'a pas vraiment de chronique qui lui soit spécialement favorable ou qui était rédigée par des gens qui lui étaient spécialement proches. Mais manifestement, c'est quelqu'un d'extrêmement volontaire, c'est manifestement un leader, hein, un meneur d'hommes. Il n'a pas été prévôt des marchands par hasard, hein, pardon, c'est une fonction très importante. C'est le, avec le prévôt du Châtelet, l'un des deux dirigeants suprêmes de Paris, hein, le prévôt du Châtelet représentant l'autorité royale, prévôt des marchands étant l'émanation du corps de la bourgeoisie, c'est-à-dire du groupe social qui domine la ville. Hein. Puis il devient délégué du tiers-état aux états généraux, ce qui manifeste aussi un tempérament très probablement... C'était quand même quelqu'un qui avait une très... Oui. Très forte personnalité, incontestablement, pour oser défier, j'allais dire tout seul, le pouvoir royal. Oui, puis il entreprend, c'est ça, il prend des initiatives politiques qui sont extrêmement subversives et même disruptives, en quelque sorte, comme on dit aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un, c'est sûr. Je renvoie nos auditeurs donc au numéro d'Historia, là, qui sort en ce moment même dans les kiosques, où il est question longuement d'Étienne Marcel. Et je rappelle, Julien Théry, que votre livre des sentences de l'inquisiteur Bernard Guy, les extraits choisis de ce texte fondateur, reparaît en format de poche chez CNRS Éditions, dans une version qui d'ailleurs est augmentée. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce moment crucial. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Alors aujourd'hui, c'est un retour aux origines consacré à une expression. On va faire ça en deux coups de cuillère à peau. Hein. Oui, alors pas trop vite parce que je crois qu'elle existe en deux formules. Moi, j'ai déjà entendu trois coups de cuillère à peau. Oui, on peut dire trois si vous êtes plus lent déjà. Oui, bon alors c'est quoi la cuillère à peau? Bah, c'est la fameuse louche, vous savez, qui était au cœur. Le pot, c'était la marmite, si vous voulez, qui était dans les foyers de toutes les maisons et où on faisait l'espèce de ragoût qu'on rajoutait sans cesse et qui constituait le fondement même, la base de l'alimentation. Donc la cuillère à peau, c'est l'ustensile principal de la maison, si je puis dire. C'est une espèce de grosse louche très efficace, très, très pratique. Et l'expression, elle date de quand? Alors, c'est difficile à dire. Beaucoup nous disent l'expression remonte au moment de la Première Guerre mondiale ou de juste avant, vous savez, à cette époque où il y a énormément de services militaires, la loi des 3 ans, etc., et où on sert rapidement les appelés avec une cuillère à peau et il faut aller vite. Bon. Il semblerait qu'en fait, dans le milieu militaire, certes, mais aussi dans le milieu carcéral, cette expression ait été employée depuis bien plus longtemps. Et il y a une autre éventualité, et celle-là, je la trouve beaucoup plus poétique, et c'est celle que je retiendrai, si vous le voulez bien. Et celle-là nous emmène dans un autre monde et dans un autre siècle, nettement plus en avant, dans la marine à voile. Il se trouve que le sabre d'abordage présentait dans sa garde, vous savez, la garde du sabre, fait penser à la forme d'une cuillère à peau. Et donner un coup de sabre dans la marine, on disait, c'était donner un coup de cuillère à peau. Donc en trois coups de cuillère à peau, ça voulait dire aller vite, hardiment, à l'abordage, à trois coups de sabre. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.